Bonjour, ravi de vous retrouver pour votre rendez-vous Les Clés du Succès, l'émission qui raconte l'histoire secrète des chansons. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à M. Pokora, à sa chanson « Juste une photo de toi » qui était le single de son comeback. Sorti en juin 2010, « Juste une photo de toi » marque la renaissance artistique du M. Pokora, que beaucoup avaient déjà enterré. Découvrons l'histoire de cette ballade pop inspirée au départ d'un conte de fées. Révélé par l'émission de télé-réalité d'M6, Popstar, en 2005, M. Pokora fait d'abord partie d'un groupe Link Up, avec lequel il enregistre un album intitulé Notre École. Après cette aventure de quelques mois, les Link Up se séparent et Mathieu décide de démarrer une carrière solo. Après deux premiers albums certifiés disques d'or, avec des succès comme Elle me contrôle, ou de retour en duo avec Tyrone Carter, il démarre une carrière internationale avec un album en anglais intitulé MP3, produit par Timbaland, l'un des producteurs américains les plus vus du moment. Hélas, malgré une sortie très importante et un premier single Dangerous, très efficace, l'album reçoit un accueil très mitigé en France. Mathieu traverse alors une période de doute et il avouera « Certains n'attendaient que de m'enfoncer, d'autres ne m'attendaient plus du tout et me pensaient déjà hors jeu ». Le quatrième album, studio d'M. Pokora, s'avère donc décisif. Comme il le confiera, si le premier single ne prenait pas, je savais que c'était fini. C'est donc pour toutes ces raisons que Mathieu va prendre le plus grand soin pour créer sa nouvelle chanson. Pour la musique, il fait appel à deux producteurs allemands, G Futuristic et Explosif, qui ont déjà fait leurs preuves avec des rappeurs comme Booba et Rof. Il lui propose alors une ballade pop très mélodique teintée de R&B. Mathieu et son manager Thierry Saïd apprécient cette ballade qui se singularise de toute la tendance pop dance du moment. Pour écrire le texte, Mathieu s'inspire au départ du conte de fées de Cendrillon et raconte l'histoire d'une fille qui séduit un prince avant de disparaître en laissant non pas une pantoufle, mais une photo. Finalement, il renonce à cette première idée et imagine des retrouvailles bouleversantes au cours d'une soirée entre deux ex-fiancés. Suite à cet événement, l'homme va tout faire pour rendre à son ex-compagne la seule photo qui lui restait afin de tourner définitivement la page avec elle. Même si sa maison de disques préférait une autre chanson, Mathieu va insister pour que « Juste une photo de toi » devienne le premier extrait de son quatrième album. Un clip tourné au Québec, à Montréal, pendant deux jours au mois de mai 2010. Le titre sort finalement le 7 juin 2010 seulement en téléchargement au départ. L'album mis à jour sur lequel figure la chanson est mis en vente le 24 août. Grâce à cette chanson, M. Pokora effectue un véritable comeback. Le 21 décembre 2010, il se produit sur la scène de l'Olympia et quelques temps après, il remporte deux Energy Music Awards dans la catégorie artiste masculin de l'année et chanson française de l'année avec la chanson « Juste une photo de toi ». Voilà, cette émission touche à sa fin. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles histoires sur vos tubes préférés. Salut! Soleil, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été. Aux malentendus, aux mensonges, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense, à celles que je n'ai pas osé. Nos actes manqués, hey, rassembler tous les murs que je n'aurais pas su briser. Tout ce que j'ai pas vu tout près, juste à côté. Ce que j'aurais mieux fait d'ignorer. Au monde assez de l'heure qui ne me touche plus. Note au solo que je n'ai pas inventé. Tous ces mots que d'autres ont fait rimer qui me tuent. Comme autant d'enfants jamais portés. Trop aimé, visage et dentelle croisée, juste frôlée. Trahison que j'ai pas vraiment regretté, ou vivant qu'il aurait fallu tuer. Tout ce qui nous arrive, enfin, mais trop tard. Tous les masques qu'il aura fallu porter, à nos faiblesses, à nos oublis, nos désespoirs. Peur impossible à échanger. Un acte manqué.